still lonely. Ok. L'unité de ce pays est. Oh, oh, oh, oh. L'unité de ce pays est. Ça va faire mal. L'unité de ce pays est. Oh, oh, oh, oh. L'unité de ce pays est. Ça va faire mal. On a beaucoup souffert. Jusqu'à ce jour, on mérite la paix. Et ce pour toujours, nous sommes tous des frères. Un pays de rêve, on veut pas de la guerre. Car c'est un enfer, on doit évoluer. Sauver la cité, la guerre n'est pas un mot. Mais c'est un fléau, l'unité de ce pays est. L'unité de ce pays est. Oh, oh, oh, oh, oh. L'unité de ce pays est. Ça va faire mal. Non à l'ethnocentrisme, au régionalisme, ils ne font pas du bien. Ces politiciens, ils n'ont pas de pitié. Restons éveillés, si tu aimes ton pays, mets-le à l'abri. Si tu as peur de contempler les débris, on va rester unis. Gagnons le défi. L'unité de ce pays est. Oh, oh, oh, oh. L'unité de ce pays est. Ça va faire mal. L'unité de ce pays est. Oh, oh, oh, oh. L'unité de ce pays est. Ça va faire mal. Sauvons tous la nation, cultivons la paix, l'esprit de cohésion. Reste un emblème, on veut pas de violence, pas d'intolérance. L'unité nationale serait l'idéal. L'unité de ce pays est. Oh, oh, oh, oh. L'unité de ce pays est. Ça va faire mal. L'unité de ce pays est. Oh, oh, oh, oh. L'unité de ce pays est. Ça va faire mal. L'unité de ce pays est. Oh, oh, oh, oh. L'unité de ce pays est. Ça va faire mal. L'unité de ce pays. Ça va faire mal. L'unité de ce pays.